Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train de servir à la gare de Portet-Saint-Simon. Portet-Saint-Simon, lequel se situera à gauche dans le sens de la marche.